Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Noqa kawawichusur ray kosakunata. Noqa kawawichusur ray kosakunata. Montrez-moi où est l'enveloppe. Kuchiwai maipikanchan sobre. Kuchiwai maipikanchan sobre. Montrez-moi où est la clé. Kuchiwai maipikanchan kaimi. Kuchiwai maipikanchan kaimi. Montrez-moi où est le rasoir. Kuchiwai maipikanchan resurador. Kuchiwai maipikanchan resurador. Montrez-moi où est le verre. Kuchiwai maipikanchan el quero. Kuchiwai maipikanchan el quero. Montrez-moi où est le crayon. Kuchiwai maipikanchan crayon. Kuchiwai maipikanchan crayon. Montrez-moi où est le téléphone. Kuchiwai maipikanchan teléfono. Kuchiwai maipikanchan teléfono. Montrez-moi où est la montre. Kuchiwai maipikanchan intihuatana. Kuchiwai maipikanchan intihuatana. Montrez-moi où sont les ciseaux. Kuchiwai maipikanchan tijeras. Kuchiwai maipikanchan tijeras. Montrez-moi où est le peigne. Kuchiwai maipikanchan nasect. Kuchiwai maipikanchan nasect. Montrez-moi où sont les lunettes. Kuchiwai maipikanchan lentes. Kuchiwai maipikanchan lentes.